Le festin d'Egger. Egger, appelé aussi Gimmer, avait préparé l'hydromel destiné au Haas dans la marmite apportée, comme on vient de le dire. Odin se rendit à ce festin, ainsi que Frigg, sa femme. Thor n'y vint pas, car il était en expédition dans l'Orient. Mais sa femme Sif y fut, ainsi que Brage et Idun, sa femme. Tyr s'y trouva également. Il était manchot, le loup Fenris lui ayant arraché la main lorsqu'on l'enchaîna. Il y avait encore à ce festin Njord et Skade, sa femme, Frey et Freya, Vidar, fils d'Odin, Loke, Beigver et Beyla, les serviteurs de Frey, et une foule d'As et d'Alf. Egger avait deux serviteurs, Fimafeng et Eldr. L'or lumineux remplaçait la lueur du feu, et la bière forte remplissait d'elle-même les coupes. Ce lieu était sévèrement en défend. On loua beaucoup l'habileté des serviteurs d'Egger. Loke ne voulut pas en convenir et tua Fimafeng. Alors les As secouèrent leurs boucliers, coururent sur Loke en criant et le chassèrent vers la forêt. Puis ils revinrent au festin. Loke retourna également sur ses pas. Il trouva Eldar en dehors de la salle et le salua. Le chant diffamatoire de Loke. Dis-moi, Eldar, avant de faire un pas, quel discours de buveur les fils des dieux tiennent là-dedans. Eldar chanta. Les fils des dieux parlent de leurs armes, de la gloire des combats. Les As et les Alfes qui sont dans la salle ne te ménagent point en leur discours. Loke chanta. J'entrerai dans la salle pour voir la compagnie. Je porterai le bruit et le trouble parmi les As, et je mélangerai leur hydromel d'amertume. Eldar chanta. Si tu entres dans la salle d'Egger pour voir la compagnie et proférer des injures contre les puissances propices, elles te les feront payer. Loke chanta. Tu le penses, Eldar? Dans le cas où nous nous chercherions querelle, je serai riche en mes réponses si tu dis beaucoup de paroles. Loke entra dans la salle. Quand tous ceux qui s'y trouvaient l'aperçurent, ils gardèrent le silence. Loke chanta. L'opteur est altéré. Il vient de loin pour demander aux As une rasade du limpide hydromel. Comment se fait-il, Dieu, que vous vous taisez si tristement? Vous ne pouvez plus parler? Indiquez-moi un siège et une place au festin, ou chassez-moi. Brage chanta. Jamais les As ne te donneront un siège ni une place au festin. Ils savent quels sont les hôtes qu'on peut inviter à la fête joyeuse. Loke chanta. Odin, te souviens-tu des temps anciens? Nous avons mêlé notre sang. Tu juras alors de ne jamais boire une rasade, s'il n'y en avait autant pour moi. Odin chanta. Lève-toi, Vidar. Le père du loup aura une place au festin, afin qu'il ne nous adresse point d'invective dans la demeure d'Egger. Vidar se leva, versa à boire à Loke, qui salua les As avant de porter la coupe à ses lèvres, et chanta. Vive les As, vive les Asès et tous les dieux saints, en exceptant seulement Brage qui est assis là-bas sur le banc. Brage chanta. Avec mes trésors, je te donnerai pour t'apaiser un cheval, un glaive et un bracelet. N'irrite point les As contre toi, afin qu'ils ne te fassent point payer ta méchanceté. Loke chanta. Tu seras éternellement privé d'un cheval et d'un bracelet, Brage. Car de tous les As et les Alfes qui sont ici, tu es le plus lâche dans le combat. Brage chanta. Si je n'étais pas dans la salle d'Egger en ce moment, je porterais maintenant ta tête sur ma main. C'est la récompense que je te souhaite pour ton mensonge. Loke chanta. Tu es prudent dans la salle des festins. Ce n'est pas ainsi que tu dois agir, Brage, l'ornement des bancs. Abat ton ennemi tandis que tu es en colère. Le brave ne réfléchit pas. Idun chanta. Je t'en prie, Brage, au nom des liens de famille, de nos enfants et de tous les Einherjars, n'échange point d'invective avec Loke dans la salle d'Egger. Loke chanta. Tais-toi, Idun, il n'est point de femme plus amoureuse des hommes que toi. Après avoir bien lavé tes bras blancs comme la neige, tu les passas au cou du meurtrier de ton frère. Idun chanta. Je n'adresserai pas de paroles injurieuses à Locke dans la salle d'Aegar. Je cherche seulement à calmer Bragg, échauffé par l'hydromel, afin que le dieu du combat ne soit pas irrité. Gefion chanta. Comment de Haze peuvent-ils se quereller ainsi en employant des paroles si offensantes? L'opteur oublie qu'abandonné par la magie, il encourt la peine de mort. Locke chanta. Tais-toi, Gefion. Sinon je raconterai ton amour pour le jeune adolescent qui te donna un collier et reposa dans tes bras. Odin chanta. Tu es un extravagant, Locke, d'exciter la colère de Gefion, car elle connaît aussi bien que moi la destinée de tous les hommes. Locke chanta. Tais-toi, Odin. Jamais tu ne sais ordonner une bataille. Souvent tu as donné la victoire à ceux qui ne la méritaient pas, à des lâches. Odin chanta. Tu ignores si j'ai donné la victoire à ceux qui ne la méritaient pas, à des lâches. Tu as passé 8 hivers sous terre, occupé à traire des vaches comme une femme et à mettre des enfants au monde. C'est ce que je trouve avilissant pour un homme. Locke chanta. On dit que tu as exercé la magie à Zamze, que tu t'es occupé de maléfices comme une Vala, espèce de sorcière. Sous la forme d'une sorcière, tu as erré dans le pays. C'est ce que je trouve avilissant pour un homme. Frigg chanta. Ne racontez jamais vos aventures aux races humaines, ni ce que deux Haze ont fait dans les temps anciens. Oubliez tout ce qui est vieux. Locke chanta. Tais-toi, Frigg, fille de Fjörgyn. Tu as toujours été amoureuse des hommes. Quoique femme de Vidrer, tu as serré dans tes bras Vile et Vé. Frigg chanta. Si j'avais dans la salle d'Aegar un fils semblable à Balder, on ne te laisserait pas sortir, et tu succomberais au milieu de ta fureur. Locke chanta. Frigg, tu as encore d'autres reproches à m'adresser? Si Balder ne chevauche plus vers ton château, c'est moi qui en suis cause. Freya chanta. Tu es fou, Locke, de raconter tes méfaits. Frigg connaît toutes nos destinées sans les annoncer elle-même. Locke chanta. Tais-toi, Freya, je te connais parfaitement. Tu n'es pas exempte de fautes. Les Haze et les Alphes assis dans cette salle ont tous joui de tes faveurs. Freya chanta. Ta langue est chargée de mensonges. Elle occasionnera ta perte. Les Haze et les Hazes se sont irrités contre toi. Le retour dans ta demeure sera triste. Locke chanta. Tais-toi, Freya. Tu es une empoisonneuse et tu pratiques la magie. Par tes enchantements, les puissances propices sont devenues défavorables à ton frère. Ce que tu fis alors est infâme. Njord chanta. Il est à peu près égal que les femmes cherchent un amant. Mais ce qui a lieu de surprendre, c'est la présence dans ce lieu d'un Haze accusé de lâcheté et d'avoir porté des enfants. Locke chanta. Tais-toi, Njord. L'Orient t'a donné aux dieux comme otage. Les filles de Himmer ont fait de toi un vase ignoble. Njord chanta. Si j'ai été envoyé de loin en otage chez les dieux, j'ai la consolation d'avoir engendré un fils que personne ne blâme. Il est au premier rang parmi les Haze. Locke chanta. Arrête, Njord, et modère-toi. Je ne cacherai pas plus longtemps que tu as engendré un fils semblable avec ta sœur. On pouvait s'attendre à moins. Tyr chanta. Frey est le premier des héros qui se trouve dans les demeures des Haze. Il ne cause du chagrin ni aux jeunes filles ni aux femmes et brise les chaînes de tout le monde. Locke chanta. Tais-toi, Tyr. Jamais tu n'as su pacifier une querelle et Fenris t'a arraché la main droite. Tyr chanta. J'ai perdu une main, mais tu as perdu le loup, ton fils. Nous avons éprouvé tous les deux une grande perte et Fenris ne courra plus puisqu'il attendra dans les liens le soir des dieux. Locke chanta. Tais-toi, Tyr. Ta femme a porté un fils de moi, et jamais, misérable que tu es, on ne t'a donné ni argent ni composition pour cette injure. Frey chanta. Je vois le loup couché devant l'embouchure du torrent. Il y restera jusqu'au moment où les puissances périront. Tais-toi maintenant, Locke, si tu ne veux être enchaîné sous peu. Locke chanta. Tu as acheté avec de l'or ta femme, la fille de Gimmer, et tu as perdu ton glaive. Lorsque les fils de Muspel arriveront à cheval par Markved, tu n'auras point d'armes pour les combattre. Beigver chanta. Apprends, Corneille de malheur, que si je descendais d'une race aussi illustre que celle d'Ingun Frey, et si j'avais une habitation aussi splendide que la sienne, je te pulvériserais plus fin que le sable et te briserais les membres l'un après l'autre. » Locke chanta. « Quel est ce vermisseau qui se tord là-bas et bavarde avec tant d'extravagance ? Il devrait être constamment suspendu aux oreilles de Frey ou devrait hurler près des moulins ?» Beigver chanta. « Je m'appelle Beigver. Les hommes et les dieux m'ont surnommé l'habile. C'est pourquoi je parle librement, tandis que tous les fils d'Odin vident ensemble les coupes d'hydromel. » Locke chanta. « Tais-toi, Beigver. Tu ne sauras jamais distribuer les vivres aux hommes de guerre, à peine si l'on a pu le trouver dans la paille des lits lorsqu'on s'est battu. » Heimdall chanta. « Tu es ivre, Locke. C'est pourquoi tu parles comme un fou. Ne te lasseras-tu point de ces injures ? L'ivresse empêche l'homme de savoir ce qu'il dit. » Locke chanta. « Tais-toi, Heimdall. Dès le commencement du temps, tu as été destiné à avoir le dos mouillé en servant éternellement de sentinelle aux dieux. Cette existence est misérable. » Skade chanta. « Tu es en gaieté, Locke, mais tu ne t'amuseras pas longtemps, car les dieux t'enchaîneront sur les rochers pointus avec les intestins froids comme la glace de l'un de tes fils. » Locke chanta. « Si les dieux m'enchaînent sur les rochers pointus avec les intestins froids comme la glace de l'un de mes fils, je n'en ai pas moins été le premier et le plus courageux à frapper lorsque nous avons tué Thias. » Skade chanta. « Si tu as été le premier et le plus courageux à frapper lorsque les dieux ont tué Thias, mes ongles et mes martinets ne te laisseront pas manquer de bons conseils. » Locke chanta. « Tu avais des paroles plus douces pour le fils de l'œuf, Locke. Lorsque tu m'invitas à partager ton lit, c'est ce que tout le monde saura si nous en venons à faire l'énumération exacte de nos défauts. » Beia s'avança, remplit un gobelet d'hydromel écumeux, le présenta à Locke et chanta. « Vive, Locke ! Prends ce gobelet plein de vieux hydromel, afin que Skade reste seul sans reproche parmi les Hazès. » Il regarda Sif, la femme de Thor. Locke prit le gobelet, le vida et chanta. « Si tu étais timide et cruel envers les hommes, tu serais unique. Mais Thor a un rival que je connais, c'est le malin Locke. » Beila chanta. Toutes les montagnes s'ébranlent. Lauride doit être en route. Il trouvera le moyen d'imposer silence à celui qui injurie les hommes et les dieux. » Locke chanta. « Tais-toi, Beila. Tu es femme de Beigve et versée dans les maléfices. Personne n'a plus de malignité que toi parmi les Hazes. Tu es entièrement souillée. » Thor entra et chanta. « Tais-toi, hideux démon. Mjolnir l'agile marteau imposera silence à ta langue. « Il t'abattra la tête et tu auras vécu. » Locke chanta. « Te voilà, fils de la terre. Pourquoi crier ainsi, Thor ? Tu n'oseras point me frapper quand il s'agira de combattre le loup qui doit avaler Odin. » Thor chanta. « Tais-toi, hideux démon. Mjolnir l'agile marteau imposera silence à ta langue. Je te ramasserai, te lancerai à l'est et personne ne te reverra. » Locke chanta. « Ne parle jamais aux mortels de tes expéditions à l'est. Lorsque tu te cachas dans le pouce du gantelet, tu ne croyais plus être Thor. » Thor chanta. « Tais-toi, hideux démon. Mjolnir, l'agile marteau, imposera silence à ta langue. Ma main droite te frappera avec le meurtrier de Rungnir, et tous tes os seront brisés. » Locke chanta. « Malgré tes menaces, j'espère vivre longues années. Tu croyais que la corde de Skrymar était très forte. Tu ne trouvas point de nourriture et tu fus obligé d'endurer la faim. » Thor chanta. « Tais-toi, hideux démon. Mjolnir l'agile marteau imposera silence à ta langue. Le meurtrier de Rungnir t'enverra chez Hel aux portes de la mort. » Locke chanta. « J'ai chanté devant les Hazes et devant leurs fils tout ce qui m'est venu à l'esprit. Toi seul me fais sortir, car tu peux, je le sais, m'assommer. Tu as brassé de la bière forte, Aegir, mais tu ne donneras plus de festin. Le feu dévorera tout ce qui est ici. Il te brûle le dos. » Après cela, Loke se cacha dans la chute d'eau de Franongr sous la forme d'un saumon, et c'est là que les Ases le prirent. Il fut attaché avec les intestins de son fils Narve, et Narve, son second fils, fut changé en loup. Skad prit un serpent venimeux et l'attacha au-dessus de la figure de Loke. Les gouttes de venin tombèrent sur son visage. Ziggin, la femme de Loke, est assise près de lui et tient un vase dans lequel elle reçoit le venin du serpent. Mais lorsqu'il est plein, elle le vide. Les gouttes de venin qui tombent dans cet intervalle sur Loke le font frémir avec tant de violence que tout le globe en est ébranlé. C'est ce qu'on appelle maintenant un tremblement de terre. »